cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fantahina wa lillahi alhamdu wa minnah, diraasat al-qawa'id fi al-asma, fi asma illahi azza wa jala. On a fini ensemble, wa lillahi alhamd, l'étude des sept première règle dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le dernier cours, on a fait une révision ensemble. فاليوم بتوفيق الله عز وجل وإعانته نبدأ بدراسة القواعد في الصفات في صفات الله تعالى. قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الفصل الثاني. Donc deuxième chapitre. Le premier, c'était des règles dans, concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-thani qal qawa'idun fi sifatillahi ta'ala. Donc des règles concernant les attributs d'Allah azza wa jal. Awlan, avant de lire la première règle, hunak farqun bayna al-ism wa sifa. Il y a une différence entre un nom et un attribut. سئلت اللجنة الدائمة وفقهم الله عن الفرق بين الأسماء والصفات. Il y a la différence donc entre les noms et les attributs. Et ça c'est muhim. On a étudié ensemble cette règle concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, une étude de règles concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc différencier entre les noms et les attributs, c'est muhim. فأجابت بما نصه أي اللجنة. Ils ont répondu أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر والعليم والحكيم والسميع والبصير. إيه هذا ولله الحمد. C'était la première règle et la deuxième règle dans les noms qu'on a vus ensemble. Donc, Asma'ullahi subhanahu wa ta'ala, dallat ala dhatillah. C'est des noms pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque nom, il englobe un attribut parfait. Mithl, qalu, al-qadir, wal-alim, wal-hakim, wal-sami' wal-basir, ila akhir. Fa'inna hadhihi al-asma' دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. Les noms d'Allah سبحانه وتعالى, c'est des noms, et ces noms, ils englobent des attributs parfaits. Donc, c'est ça un nom. Les noms d'Allah سبحانه وتعالى, c'est des noms qui désignent Allah سبحانه وتعالى, et c'est des noms parfaits. Pourquoi? Parce que chaque nom, il englobe un attribut parfait. Al-Aziz, c'est min asma illah azza wa jal yatadhamman sifat al-izza. Hada wadih, ça c'est clair. Wa amma as-sifat fa hiya nu'utun aw nu'utul kamal al-qa'ima bil-dhat kal-'ilm wal-hikma was-sam' wal-basar. Amma as-sifat, les attributs traduisent, fa hiya nu'utun, c'est un attribut, lakin qalu, bien sûr, kamila, c'est des attributs parfaits, et c'est la première règle qu'on va voir ensemble aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal. Al-qa'ima bi'dhat, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-ilm, wal-hikma, wa al-bassar, wal-sam, wal-yad, wal-wajh, etc. Et la différence, elle est wadiha. Fal-ismu dalla ala amrin. اللجنة قالوا أن الاسم يدل على أمرين. Deux choses, الاسم. Le nom, bien sûr, الاسم. والصفة. كما تقدم معنا. أما الصفة, c'est une صفة. C'est une صفة d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que chaque صفة, ça va impliquer un nom? Pas forcément. كل اسم يتضمن صفة. Pourquoi? Parce que c'est des أسماء حسنة كاملة. Tu prends n'importe quel nom, forcément il englobe un attribut parfait. Matalan, Al-Qadir. فصفة القدرة نابورت كل نوم، العزيز صفة العزة، السميع صفة السمع، العظيم صفة العظمة، وهكذا. أما est-ce qu'on peut déduire un nom à partir d'un attribut, فهذا سبع على الإطلاق. Certains noms, نعم، مثلا القدرة c'est une صفة، c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il a القدرة c'est que c'est القدير عز وجل. Pourquoi? Parce que le Qadir, on a un délit et il fait partie des noms. Parfait. Amma, certains attributs, on ne peut pas déduire un nom. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, lahu sifatu al-wajh. L'attribut du visage. Est-ce que cet attribut, ça va impliquer un nom? La. Wa hakada sifatu al-yadayn, etc. Wa hakada al-kalam. C'est sifa min sifatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, avec qui il veut, azza wa jal. Est-ce qu'on peut déduire annahu c'est le mutakallim? On étudiera ensemble hadha inshallah dans les qawaid. Et là chaque anna al mutakallim c'est pas min asma'illahi azza wa jalla. Pourquoi? On verra parce que et on l'a déjà vu fait le haqiqa. Li anna al mutakallim c'est pas ça englobe pas un attribut parfait min kulli wajh. فلهذا الله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه المتكلم إن شاء الله on verra cette masala peut-être aujourd'hui dans la première règle ou dans d'autres règles. على كل حال la différence entre الاسم والصفة c'est هذا أن الاسم يدل على ذات الله ويتضمن صفة le nom ça désigne الله سبحانه وتعالى chaque mot il désigne الله سبحانه وتعالى il s'englobe un attribut parfait et les attributs c'est des attributs d'الله سبحانه وتعالى et ça implique pas forcément un nom. رقم الفتوى 8942 في فتاوى اللجنة الدائمة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. La première règle أن صفات الله عز وجل أن صفات الله عز وجل tous les attributs d'Allah سبحانه وتعالى c'est des attributs parfaits. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Y a pas d'imperfection. Là, elles sont parfaites. Et ces attributs sont parfaits. قالك الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. Beaucoup d'attributs d'Allah سبحانه وتعالى qui sont cités في القرآن وفي السنة. فالله سبحانه وتعالى له صفة العلم c'est tout. وله صفة القدرة il est capable de tout عز وجل وله صفة السمع والبصر أي il voit et il entend وله صفة الرحمة والعزة il fait miséricorde à qui il veut وله صفة الحكمة والعلو الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم tout ce qu'il fait عز وجل c'est بحكمة وعدل العلو أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de la créature عز وجل وهكذا. قال وقد دل هذا على هذا السمع والعقل والفطرة أي أن الله عز وجل له الصفات الكاملة. Tu as trois catégories de preuves pour démontrer أن الله سبحانه وتعالى a les attributs parfaits. السمع السمع c'est le Coran ou le Sunna. Dès que vous entendez دلالة السمع أو الأدلة السمعية c'est ce qu'on entend أي le Coran ou le Sunna. Et كذلك العقل la raison elle accepte هذا la raison saine qui n'a pas été déformée يدن بالله par des idées d'innovateurs etc. elle accepte أن الله سبحانه وتعالى il a des attributs parfaits. وهكذا الفطرة الفطرة c'est la saine nature. Chaque être humain est né à la هذه الفطرة. فكذلك si cette فطرة n'a pas changé فلا شك أن n'importe quel être humain si tu lui expliques أن الله c'est le créateur et en a ce créateur عزّ وجل, il a des attributs parfaits, n'importe qui l'acceptera tant qu'il reste sur cette fitra. قال أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الشاهد donc ولله المثل الأعلى. أي الله سبحانه وتعالى إلى المثل الأعلى. المثل هنا من معاني المثل en langue arabe الوصف. أي الله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى. أي دي صفات كاملة. صفات عليا عز وجل. أي aucune imperfection. تقدم معنا dans notre كلمة sur الجنة avant-hier, Al-Ahad. Un dalil ala hada, kadhalik, min al-Qur'an, tathkuroun, an al-mathal yati bimana al-wasf. Ma tathkuroun, qawluhu azza wa jal, mathalu al-jannah. Mathalu al-jannah. Allati u'iddat lil-muttaqin. Mathalu al-jannah. Ay wasf al-jannah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité des caractéristiques de la jannah. Il y a un arbre, il y a un kada, comme on a dit. En tout cas, al-mathal, en langue arabe, il y a un al-wasf, les caractéristiques, les attributs d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un mathal al-a'la. Il a des attributs parfaits. Il a dit, la raison, أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا في الحقيقة الدليل السمعي يكفي pour le mu'min أن l'épreuve du Coran et la Sunna ça nous suffit ولله الحمد. لكن العلماء كشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره يسيت أحيانا أدلة العقل pour une cause bien précise, imma pour renforcer les premiers arguments, imma min bab ad-da'wa, lianna peut-être que ba'd an-nas la yu'minun bil Qur'an wa as-sunnah fa dalalatu al-'aql fi haqqihim ça va être utile, ou min bab ar-radd 'ala ba'd ahli al-bid'a qui prétendent annahum suivent la raison, fa Cheikh Ibn Uthaymeen huna il va démontrer que la raison elle accepte hadhihi as-sifat, fa pourquoi vous rejetez certaines de ces sifat. Fa mathalan al-mu'tazila wa al-ash'ari wa jami' al-mu'attila et rejette صفات الافعال ou الصفات الذاتيه بعض صفات الذاتيه كالوجه الى اخر الوجه واليدين فكثير من اهل البدع يرجت هذا pourtant ils prétendent انهم suivent la raison فالعقل في الحقيقه la raison elle accepte هذا ça contredit en rien la raison si on dit qu'Allah سبحانه وتعالى il a un visage. قال شيخ العثيمين رحمه الله واما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة وإما صفة كمال وإما صفة نقص. أن ما من عاقل il sait que si une chose elle existe forcément cette chose elle a des attributs وإلا une chose qui n'a pas de صفة qui n'a pas de caractéristiques qui n'a pas d'attributs c'est une chose qui n'existe pas. فلهذا العلماء قالوا عن الجهمية quand ils ont prétendu un Allah Azza wa Jal, il n'est pas au-dessus de la créature, il n'est pas en dessous, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas dans la créature, il n'est pas en dehors de la créature. وَهَكَدَ الْجَهْمِيَّةِ عَطَّلُوا هَذِي الْأَشْيَةِ الْعُلَمَا قَالُوا فِي الْحَقِيقَةِ الْجَهْمِيَّةِ يَعْبُدْ عَدَمًا. الْحَقِيقَةِ الْجَهْمِيَّةِ ils adorent une chose qui n'existe pas, le néant. Si le créateur il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il a akhir et tout ce qu'il cite, فَأَيْنَهُ. Alors qu'on a des preuves claires et la fitra l'accepte هذا, que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. هذا pour vous montrer أن العقل il accepte أن ما من موجود une chose qui existe elle a des sifats. مثلا si je te demande décris-moi telle chose qui existe, tel livre, un stylo, un mur, une maison, une voiture, tu vas décrire des couleurs, une taille, une valeur, des formes, il a akhir. Mais si tu me dis là, elle n'a aucune sifat, cette chose elle n'existe pas. Si on te demande le nom, tu dis cette chose n'a pas de nom. La taille, elle n'a pas de taille. Couleur, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de forme. Et après, à la fin, on va conclure, c'est une chose qui n'existe pas, si elle n'a pas de sifat. Al-aql, il accepte ça. Anna même il mawjoud, il a de sifat. Et Allah subhanahu wa ta'ala mawjoudun. C'est le hay, c'est le qayyum, c'est le khaliq, c'est celui qui a créé les créatures. فالسيل موجود عز وجل وله المثل الأعلى ولا شك أنه إلى صفات كاملة سيصاد دلالة العقل. قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة vu que chaque chose qui existe a des صفات. On est tous d'accord بهذا. فالله سبحانه وتعالى il existe, il est موجود, c'est le حي, c'est le قيوم. في حق الله عز وجل le fait que ses attributs ont des imperfections c'est pas possible. لماذا لانه سر الرب المستحق للعباده عز وجل et si mérite l'adoration c'est qu'il est parfait. On ne peut pas adorer une chose imparfaite, on ne peut pas adorer une divinité imparfaite. Ça montre أن الله عز وجل il est parfait. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هذا استدلال طيب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم dans plusieurs versets Cheikh Ibn Uthaymeen en a cité quelques-uns هنا pour démontrer que les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala elles sont adorées bi batil et bi ghayr haqq. Allah subhanahu wa ta'ala il montre que ces divinités elles sont des faiblesses. فمثلا هذه الآية قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Qui c'est qui est plus égaré? Tu ne trouveras pas plus égaré واحد il demande à une chose à son idole, à une statue, yadam billah, à un mort, il lui demande une chose, cette chose, elle ne peut pas lui répondre. Les mains, elle ne peut pas lui répondre. Indaman. Tfaddal. Naam. Lianna hadhihi hadha al-ilaha al-ma'bud bi ghayri haqq, il n'a pas de qudra. Il n'a pas la capacité. Kadhalik. Annahu la yasma. Il n'entend pas. Mathalan, une statue, ça n'entend pas. Un mort, il n'entend pas les paroles des vivants. Ça nous montre, vu qu'ils sont adorés, minadunillah, ils ont automatiquement des attributs imparfaits. D'être humain. Imma c'est un mort, imma c'est un mur, imma c'est un caillou, imma c'est une statue, yadam billah. Là, chacun a ces choses créées, elles ont des attributs. Mathalan, la pierre, elle existe, elle est présente, elle a une certaine forme, elle a une taille, elle a un poids, il a akhiré. Lakin elle a des faiblesses de créature. Wahakada le mort, wahakada l'être humain, il a akhri. Amma Allah Azza wa Jal, et c'est ça, qasd Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Avec ce verset, tu déduis un Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on l'adore? Parce qu'il peut nous répondre. Pourquoi on l'adore? Parce qu'il peut nous récompenser. Pourquoi on l'adore Azza wa Jal? Si on ne l'adore pas, il peut nous châtier, subhanahu. Tout ça, c'est des attributs parfaits. Al-Qudra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-Qudra ala kulli shay. قال وقال تعالى دوزيام فيرسي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون هذا الدليل il est encore plus clair والذين يدعون من دون الله et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah عز وجل ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah سبحانه وتعالى et هذا s'englobe tout ce qui est adoré من دون الله من إنس أو جن أو حي أو ميت que ça soit un vivant, un mort, un être humain, un djinn, une statue, une pierre, un arbre, un ange, un prophète, tout ce qui est adoré من دون الله قال عز وجل لا يخلقون شيئا. Pourquoi les adorer si ce n'est pas des créateurs? Ça nous montre أن celui qui mérite l'adoration c'est le créateur سبحانه. Et ce créateur il a les attributs parfaits. لماذا لأنه il mérite l'adoration. قال عز وجل أموات غير أحياء. صحيح. إما ces divinités elles sont mortes, elles n'ont pas de vie, comme les êtres humains qui sont morts, comme les statues, les pierres, les arbres. Il a akhiré. Ou même si ils sont vivants, tu reviens au début du verset, لا يخلقون. Cette vie elle est ضعيفة. Et eux-mêmes leur vie elle a été créée. Enfin, comment ils vont être adorés en dehors du Créateur عز وجل. Troisième verset, وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي. أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى il a rapporté sa parole في القرآن quand il a parlé avec son père et il lui a démontré عليه الصلاة والسلام à son père pourquoi il n'était pas à la حق. لأن le père d'Ibrahim عليه السلام il n'a pas cru et il est mort على الكفر. عيادا بالله. اسمع الآية قال عز وجل عن إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حجة إبراهيم et l'argument d'Ibrahim pour convaincre son père comment tu fais pour adorer en dehors d'Allah سبحانه وتعالى et à leur époque c'était des statues من لا يبصر celui qui ne voit pas أو قبل ذلك نعم لا يسمع celui qui n'entend pas وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ Aïe, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne peut rien pour toi. فَلِمَاذَا tu l'adores. Ça nous montre un, le créateur, forcément, il mérite l'adoration. Et s'il mérite l'adoration, c'est le créateur, forcément, il a des attributs parfaits. Al-Aql, il accepte Allah. La raison, elle accepte Allah. Comment tu vas adorer une personne, elle est comme toi. Pourquoi tu l'adorerais alors que c'est un être humain comme toi? Même s'il a des choses en plus, de la science en plus, des fada'il en plus, une manzila plus haute que la tienne, il a un rang plus élevé que toi, il fait des heures plus que toi, ça reste un être humain. Enfin, la raison, elle t'empêche de l'adorer. La raison, si tu rajoutes les adillah, voilà, chacun en a assez clair. Ben, adorer autre qu'Allah, ça fait sortir de l'islam, c'est du shirk. Hada maqsoud shirk mu'taymin. Citer ces versets pour montrer anna al-aql, il accepte hada. Qala wa ala qawmi. Aïe. Ihtijaj Ibrahim ala qawmi. Alayhi salatu wa salam. Ibrahim, كذلك, il a fait da'wa à son qawm, à son peuple, pour leur montrer qu'ils étaient à la batil. Qala azza wa jal an Ibrahim, afa ta'buduna min dunillah. مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Cheikh Mu'taymin, il a cité avec ce verset لماذا لأن الدلالة cité clairement قوله أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous raisonnez pas? Vous ne raisonnez pas. Ça nous montre qu'on a la raison, on accepte ces choses. أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ. Comment adorer une chose, elle t'est d'aucune utilité. مثلاً, à notre époque, certains, ils demandent à des morts. Et demander à un mort, c'est une adoration. Ce qu'on appelle le du'a. Le du'a, c'est l'ibada, comme on dit, sallallahu alayhi wa sallam. Certains sacrifient pour des morts. Alors que, al-dhabh, c'est une ibada. La'an Allahum an dhabha li ghayrillah. Ba'dhum, ils font des vœux. Ba'dhum, ils demandent de l'aide. Ba'dhum, ils placent leur confiance. Ba'dhum, ils ont peur du mort. Ka'annahu, il peut le châtier. Tout ça, c'est des adorations. Al-aqil, fil haqiqa, s'il réfléchit un peu, et il lit ce verset, أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ. Qu'est-ce qui va te faire ce mort? Il peut te donner aucun bien, il peut te repousser aucun mal. Ben lui-même, il est dans une situation, Allahu a'lam biha. قَالَ وَلَا يَضُرُّكُمْ إِلَى آخِرَ. فَقَوْلُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Et celui qui a une raison saine, il peut comprendre ça. أن الله عز وجل, c'est le créateur. L'imada, même la raison, elle comprend. Liana, tu es une créature, tu n'es pas venu tout seul. Là, si on demande à Akfarul Kavirin, si on lui dit, cet ordinateur, il est venu tout seul, dans cette maison, dans cette pièce, et il s'est formé tout seul, il s'est assemblé tout seul, il s'est allumé tout seul, il a akhiré. Et cet ordinateur, il acceptera jamais. Il va te dire, c'est impossible. Dalalatul aql montre que l'être humain, il est beaucoup plus compliqué que l'ordinateur. L'être humain, il est beaucoup plus compliqué que l'ordinateur. Le cerveau, le cœur, il a agré, c'est beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur. Comment accepter que cet être humain, il est venu tout seul? Hada Cheikh Mu'taymin, c'est Huna qui voulait appuyer pour montrer que l'aql, il accepte que Allah Azza wa Jal, c'est le Khaliq. Et si c'est le Khaliq Azza wa Jal, forcément c'est qu'il est mawjoud, il existe. S'il existe, on est tous d'accord qu'une chose qui existe, elle a des attributs, imma parfaite, imma imparfaite, et vu que c'est le créateur, et celui qui gère tout, celui qui a créé l'être humain, et celui qu'on doit adorer, enfin, là, chacun a ses attributs, sont parfaits. Pourquoi? Parce qu'on l'adore. Ah, c'est ça le cheminement de Cheikh Mu'taymin, huna, rahimahullah. Qala thumma innahu qad thabata bilhis wal mushahada anna lil makhluq sifati kamal, wa hiya min Allah ta'ala fa mu'til kamal awla bih. هذا كذلك c'est un dalil qawi. Et ce genre de adillah, c'est tayyib pour faire da'wah à ceux qui ne croient pas au Coran et à la Sunna. Si tu as été éprouvé et certains de tes proches, c'est pas des musulmans, ils ont pas voulu accepter l'islam pour l'instant, enfin quand tu fais da'wah khassatan wa'aduhum ta'lamun, c'est des malahida la yu'minuna bi shay. بعضهم سمين بلو دي جويف دي كريتيان انهم يؤمنون بإله او برب ils ont la croyance انه il y a un créateur, انه il y a un paradis, un enfer. بعضهم ils ont plus tout ça à notre époque. بل كثير منهم, بل la plupart الان, c'est des athées 100%. فدلالة العقل في حقهم لنافعة. Ce qu'on a cité précédemment et كذلك قوله ثبت بالحس والمشاهدة. Al-his, c'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens. Il a al-hawas, al-kham, c'est les sens, les cinq sens. Fa thabata bil-his. Mathalan, avec la vue. Ou le mushahada, ce que tu vis tous les jours. Annalil makhluq sifat kamal. L'être humain, il a des attributs. Il a des attributs kamila ay fi haqqi. Quand Cheikh Ibn Uthaymin il a dit sifat kamal, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, il a aucun naqs là. Lakin, tu peux partager les sifat en deux. De sifat kamila et de sifat naqsa. Après, al kamal fi haqqi Allah, c'est pas comme al kamal qui fi haqqi al makhluq. Hada c'est wadih. فالمخلوق مثلا من صفاته او من صفات الكمال كلا المخلوق مثلا الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر مثلا celui qui voit فلا شك il est اكمل que celui qui voit pas. Enfin, vous remarquez avec cet exemple que le kamal هنا c'est nisbi et par rapport à l'être humain. Tu as deux êtres humains, un qui voit, un qui est aveugle. Donc certains êtres humains ils ont des sifat annahum yawai, c'est du kamal fi haqqihim par rapport à d'autres êtres humains qui sont aveugles. Cheikh Ibn Uthaymin قال, si tu as compris هذا ان للمخلوق l'être humain il a certaines sifat kamila comme la vue wa hiya min Allah ta'ala. Qui c'est qui lui a donné cette vue? C'est Allah azza wa jalla. Qui c'est qui a créé cet être humain? C'est Allah. Thumma qui c'est qui a donné la vue à cet être humain? La shak, c'est Allah. Qui c'est qui a enlevé la vue à cet autre être humain, un autre? C'est Allah azza wa jalla. قال شيخ ابن عثيمين فمعطي الكمال اولى به لله المثل الاعلى. Si l'être humain il a certaines caractéristiques كاملة par rapport à sa faiblesse de créature bien sûr, فالله سبحانه وتعالى c'est lui qui lui a donné ce kamal, فالله سبحانه وتعالى il est اولى به. C'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى l'être humain il voit, Allah سبحانه وتعالى c'est le basir لكن في حق الله عز وجل البصر. C'est une sifa kamila. Et hada, ça ne veut pas dire qu'on fait le qiyas dans toutes les sifat. Là, ça ne veut pas dire qu'on fait le qiyas dans toutes les sifat. On ne détaillera pas tout. Lakin, pour expliquer l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, avec, on a rajouté, nahnu sifat al-basar. Ou il a ne pas comprendre que chaque sifa fil insan, si elle est kamila, on l'attribue à Allah Azza wa Jal. Abadan, on va voir une règle ensemble, la sifat tawqifiyya. Famatalan al-kibr, c'est du naqs fil makhluq. Al-kibro, c'est du naqs fil makhluq. C'est pas min al-kamal. Bel, c'est un défaut dans l'être humain, avoir de l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mutakabbir. Et il a sifatul kibr. Et fi haqqillah, c'est du kamal. Ne pas penser que cette règle, ala al-qiyas, elle est ala al-itlaq. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité un kalam fi hada. Donc, hada ma yata'allaq bi dalalati al-aql. Thumma qal wa amma al-fitrah. Al-fitra, on répète, il traduit par la saine nature. Chaque insan, il est né à l'al-fitra. Et il est prêt à accepter le haq. Il est prêt à comprendre le haq. Lakin kama ja'a fil hadith, fa abawa yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajjisanihi. Kullu mauloudin yulad ala al-fitra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que chaque être humain, il naît sur la fitra. Et il est prêt à accepter le haq. Lakin, c'est ses parents. Ayyadan billah. Imma ils rendent juifs, imma chrétiens, imma mushrik, imma athées. Alhamdulillah, certains font des efforts pour que ça reste un musulman, il reste à la hadhihi al-fitra. Qala fa inna fa li anna an-nufus as-salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadatihi wa hal tuhib wa tu'azzim wa ta'bud illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifat al-kamal al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Non, celui qui a al-fitra, vous avez remarqué que dalalatu al-fitra, elle est proche de dalalatu al-aql. La nature, ça ressemble هنا à la raison. Cheikh Ibn Uthaymin هنا قال ان celui qui a al-fitra, فلا شك انه il va accepter انه il y a un créateur. Et ce créateur, il mérite l'adoration. Et s'il mérite l'adoration, il va l'aimer, il a akhiré. Et tout ça, bien sûr, il va accepter que ce créateur qui mérite l'adoration, il a des attributs parfaits. قال واذا كانت أو هذا واللي الحمد تهينا منه. Donc, il a cité trois points. Al-Kitab al-Sunnah, pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs parfaits. La raison et la saine nature. ثم قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم ونحوها. Si un attribut il est naqs, il y a un défaut, une imperfection, une faiblesse, un manque, tu peux pas l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا كَانَتَ صِفَةً نَقْسًا لَا كَمَالَ فِيهَا. Un attribut du naqs, un défaut, une imperfection, et il n'y a pas de kamal. Il n'y a pas de kamal. Le kamal, c'est la perfection. Et c'est un attribut qui n'est pas parfait. مِنْ كُلِّ وُجُوهُ. Fahada, tu ne peux pas dire أن الله عز وجل, il a cet attribut. Les exemples sont clairs. La mort, l'ignorance, l'oubli, l'incapacité, le fait d'être aveugle, ne pas entendre, il a akhir. Enfin, tout ça, la shak anna Allah subhanahu wa ta'ala munazzah an hadhihi as-sifat. Qal li qawlihi ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Ay Allah subhanahu wa ta'ala sil hayy wa naf'a 'an nafs 'an nafsihi al-mut. Al-maut, c'est de l'imperfection. L'imam, il y en a celui qui meurt, c'est qu'il est faible. C'est qu'il n'est pas parfait. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. كذلك تستفيد في هذه الآية أن العلماء يقولون هنا أن النفي, quand tu dis مثلا que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant et sa vie, elle est parfaite. Et quand tu montres que Allah il a pas tel sifat, ça implique ithbat diddiha. Ça implique qu'on affirme qu'Allah il a le contraire. Un attribut parfait. Maintenant, si on prend la deuxième, al-jahl. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas, ayyad billah, lui, le caractériser par l'ignorance. L'imadal, il y en a l'ignorance, c'est un défaut, c'est une faiblesse, c'est un manquement, il a akhiré. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas ignorant, c'est qu'il sait tout. Tu attribues l'inverse. Sifatan kamilatan. Lillahi azza wa jal. Tu as un exemple avec le verset. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. La yamut. Pourquoi? Parce qu'il est hayy, c'est le vivant. Al-hayy al-qayyum. Donc, un nafi, ça va impliquer ithbat al-did. Pourquoi? Li'anna mujarrad al-nafi, c'est pas du kamal. Mujarrad al-nafi, le fait de dire que la yajhal, il ignore pas, c'est pas une perfection. Maintenant, on peut dire, ce mur, la yajhal, ce mur, il ignore pas. Lakin, il sait pas, kadalik. Vous avez compris. Le fait de dire la yajhal, ça suffit pas pour que ça soit parfait. Pour que ça soit parfait, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il ignore pas, limada, parce qu'il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie pas, pourquoi? Parce qu'il sait tout. وهكذا toutes les sifat. Al-ajz, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala on lui attribue pas sifat al-ajz? Parce que c'est un manque, c'est un défaut, il a akhiré. Et parce que sa qudra, elle est kamila, l'inverse. Allah, il est capable de tout. Azza wa jal. Fahada, c'est important. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, ça yadhkuruh dans certains qawa'id. Inch'Allah, on lira ensemble. Wa qawluhu wa qawlihi plutôt an Moussa alayhi salatu wa salam fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Na'am. La yansa, pourquoi? Li'annahu azza wa jal bi kulli shay'in alim. Je peux trouver des adillah an Allah subhanahu wa ta'ala yuthbit li nafsihi an-nisyan. Lakin an-nisyan kama bayyana al-ulama, il y a deux sens. Il y a an-nisyan qui est naqisa, le fait d'oublier à cause d'un manque de science, il a akhiré. Et il y a un nissien, le fait de délaisser volontairement. Man yadkur dalilan ala hada? Ana nasit, tadkur al-aya? Na'am, wa kadhalika al-yawma tunsa. Ahsant. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Et comme tu as oublié, délaissé, et haqiqa, même dans l'être humain, l'oubli, fi hada al-hal, c'est volontairement. Comme cet être humain, volontairement, il a délaissé la religion, il n'a pas voulu appliquer, Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyamah, il l'oubliera. Comme il a oublié, Allah, il l'oubliera. L'oubli, huna, c'est le délaissement volontaire. Ce n'est pas un oubli à cause d'un manquement, ou d'une imperfection, ou un manque de science. Là. Hada, c'est un tambih pour an-nisyan. Qala wa qawlihi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi as-samawati wa la fi al-ard wa qawlihi am yahsabun أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه أنه لا يسمع عز وجل, كذلك نفع عن نفسه العجز l'incapacité, le fait de ne pas entendre, il a akhri. Allah subhanahu wa ta'ala, il a que des attributs parfaits. Et si un attribut parmi les attributs, il y a un manquement, une imperfection, il a akhri, Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu an hadha an-naqs. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas lui attribuer des sifat avec une faiblesse ou une imperfection. Hada, pour l'instant, c'est clair. Donc pour l'instant, on a deux catégories. Sifatun kamila, des attributs parfaits, فَنُثْبِتُهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, bien sûr, avec des preuves. ثَانِيًا صِفَاتٌ نَاقِسَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ, des attributs imparfaits, il y a aucune perfection dedans. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, on peut pas dire qu'il a ses attributs. أَبَدًا ثُمَّ أَوْ قَبْلَ هَذَا نَكْمِلْ. Après, on va lire plutôt la troisième catégorie. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال est أعور, والأعور c'est celui qui a un manque dans un de ses, dans un œil, c'est ça l'أعور, le borgne. فالدجال est أعور, il a un problème dans un de ses œils. أما الله عز وجل فليس بأعور. Et tu trouveras des adillah en Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux, subhana. Et min al-adillah, il cite ce hadith. Wa qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la gha'iba. Ça c'est min al-adillah en al-du'a, c'est bi sautin mahfoud. Sa voix basse, al-du'a. Ne pas élever la voix. Fa lihada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. لماذا لان الله عز وجل الى انت فانكم لا تدعون الصم ولا غائبا. Si Allah il est pas as-sam, il est pas sourd, c'est que عز وجل il entend. On a dit un nafi, ça implique l'ithbat du contraire. ولا غائبا, فالله سبحانه وتعالى il est pas غائب, بل il les voit, il voit tout le monde, il entend tout le monde. Il est مع المتقين عز وجل. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Ça montre أن الذين يوصفون الله عز وجل بالنقص الحقيقة c'est les يهود, c'est les juifs et ceux qui le ressemblent parmi Ahl al-Dhalal. قالت اليهود يد الله مغلولة عياذا بالله. Ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas donner. Et le défaut qui est connu عند الجميع, l'avarice عياذا بالله. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Karim. Il donne à qui veut, il donne sans compter عز وجل. لماذا لأنه il possède tout. Et quand il donne عز وجل, ça diminue en rien ما في ملكه. كذلك إذا أكذت الله عز وجل بالفقر قد سمع الله قول الذي قالوا إن الله فقير. الفقر c'est la pauvreté, alors que Allah سبحانه وتعالى c'est le غني, وهو الغني والحميد, c'est le غني, له صفة الغنى, أي الله سبحانه وتعالى يبسط. قال ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كذلك مما نفى الله عز وجل عن نفسه صفة الولد. أن الله عز وجل لا بد أنفه. لماذا لأن et ça c'est un bon exemple pour montrer أن pour l'être humain c'est min al-kamal. L'être humain, un être humain qui arrive à avoir des enfants, enfin pour lui c'est quelque chose de bien et c'est parmi ses qualités. Et celui qui n'arrive pas à avoir d'enfants, homme ou femme, c'est qu'il a un problème et c'est un manquement fi haqqi. C'est pour ça que chaque être humain il désire avoir des enfants. Et celui qui est éprouvé par la stérilité مثلا, voilà, chacun d'entre nous, ça lui cause de la tristesse et la khairi. لماذا لأنه c'est un manquement. في حق الله عز وجل c'est une imperfection. لماذا لأن الله عز وجل c'est l'ahad. C'est الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عز وجل. Donc, toutes ces sifat, un naqisa, Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu anha azza wa jalla. Donc nous en tant que mu'minun nuthbit ma athbatahu Allah li nafsi. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sifat al-ilm wa al-qudra. Allah il a des mains, il a un visage, il a des yeux, il a les mains, c'est des attributs parfaits et on a des preuves. Et nous nazzi Allah subhanahu wa ta'ala an al-naqais wa al-uyub. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas l'attribut de l'ignorance, de l'avarice, de la peur, il a agréé les mains, il y en a, c'est des imperfections. Donc pour l'instant, là, ces deux catégories, elles sont claires. قال وإذا كانت الصفة كاملا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. Troisième catégorie en tafsil. Il faut détailler pour comprendre. Certains attributs, min jiha, c'est de la perfection. Et d'un côté, elles sont parfaites. Ou plutôt, ces attributs sont parfaits. Et d'un autre côté, ils sont imparfaits. فَفِي هَذَا الْحَالِ on ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala il a cette sifa ou il n'a pas cette sifa. هنا il y a un tafsir. قَالَ وَإِذَا كَانَتَ الصِّفَ كَامِلًا فِي حَالٍ وَنَقْصًا فِي حَالٍ لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا مُمْتَنِعَ عَلَى سَبِيلَ الْإِطْلَاقِ فَلَا تُثْبَتْ لَهُ إِثْبَاتًا مُطْلَقًا وَلَا تُنْفَعَ عَنْهُ نَفْيًا مُطْلَقًا. On ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala il a cet attribut dans tous les cas. On ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas cet attribut dans tous les cas. Là, on a, il faut préciser. قَالَ بَلْ لَا بُدْ مِنَ التَّفْصِيلِ. Al-tafsil, c'est détaillé. Ça, c'est muhim fil ilm. Il y a certaines choses, c'est clair. Allah, il a des attributs parfaits, c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'attributs imparfaits, c'est clair. Souvent, il y a des attributs. D'un côté, c'est parfait. D'un autre côté, c'est imparfait. Il faut détailler. لماذا لأن الإجمال, dans beaucoup de situations, ça fait beaucoup de mal. L'ijmal est le fait de ne pas détailler. Que ce soit dans cette question qu'on a l'un ou dans d'autres sujets. Ahyanan, il faut détailler. Ahyanan, il ne faut pas détailler. مثلاً ما يتعلق بالقدر, celui qui veut trop fassal, trop détaillé, se pose trop de questions dans le chapitre du destin, là chacun là, c'est une porte d'égarement qui l'ouvre. Enfin, savoir quand est-ce qu'il faut fassal, quand est-ce qu'il ne faut pas fassal, quand est-ce qu'il faut détailler, quand est-ce qu'il ne faut pas détailler, c'est très très important. قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا هذا قرأنا. قال بل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. إلى سيتي quelques exemples. المكر والكيد والخداع. On va prendre comme exemple نحن المكر, la ruse. ثم tout le reste c'est pareil. La ruse, le fait de ruser, ça peut être du kamal, ça peut être de la perfection, ça peut être de l'imperfection. فلهذا on ne dit pas que Allah il a sifat al-makr mutlaqan dans tous les cas. Et on ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala il a pas sifat al-makr. Il faut un tafsil. قال الشيخ العثيمين فهذه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابله من يعاملون الفاعل بمثلها. Quand est-ce que le makr c'est du kamal? وينكر الله والله خير الماكرين. في هذا الحال سيدي كمال فلهذا أثبت الله عز وجل لنفسه المكر. Le fait de ruser. لكن quand est-ce que c'est du kamal? Quand c'est pour répondre à quelqu'un qui veut ruser. ويمكرون نسيت الآية ويمكر الله والله خير الماكرين. Vu qu'ils ont essayé de ruser, Allah subhanahu wa ta'ala il ruse et Allah subhanahu wa ta'ala c'est خير الماكرين. في هذا الحال سيدي كمال. Pourquoi? Pourquoi dans ce cas c'est du kamal? Wahad il peut dire lakin, j'ai pas compris Anna. Al makr rusé c'est pas bien. Fi hadha al hal c'est du kamal, c'est de la perfection. Li hadha Allah subhanahu wa ta'ala athbata li nafsihi sifat al makr. On précise fi al muqabala. Al muqabala ça veut dire مثلا tu dis fulan yuqabil fulan, et fulan il est en face de fulan. Fa al muqabala c'est pour répondre à celui qui fait cette chose. Fi hadha al hal c'est de la perfection. Limadha tafadhal akhi. Plus précis. Ahsant, لأنه يدل على القدرة. Si Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bi haula, awalan c'est qui sait qu'il ruse. Celui qui ruse en général, il essaye de ne pas le montrer. Il travaille min taht. إما dans le dos, إما par rapport à l'être humain. فالذين يمكرون الله سبحانه وتعالى يعلم. Ça, ça montre أولا que c'est une perfection في حقه. كذلك يمكر بهم يغوز عز وجل. لماذا؟ لأن il a la قدرة. Il est capable de ruser contre هؤلاء. Et Allah سبحانه وتعالى il a toujours le dessus. فلهذا قال والله خير الماكرين. قال شيخ العثيمين رحمه الله. On répète. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. Vous avez compris أن c'est quoi le مقابلة. واحد يمكر الله سبحانه وتعالى يمكر به. Ça montre الكمال. أما المكر بواحد qui n'a pas fait de مكر فهذا c'est du نقص. فلهذا tu trouveras jamais أن الله سبحانه وتعالى يمكر بغير الماكرين. Tu ne trouveras jamais هذا. Que Allah il ruse contre une personne qui ne ruse pas. أبداً. C'est une imperfection, c'est de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsa'u an hadha. Qala li'annaha hina idin tadul ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwih bimitli fi'lihi aw ashad. Donc c'est ce qu'on vient de citer. Ça montre anna Allah azza wa jal yamkur biha ula limada fil muqabla li'annahum ils ont voulu ruser. Allah subhanahu wa ta'ala il ruse. Pourquoi? Li'annahu il est capable azza wa jal et il connaît leur situation. Qala wa takun naqsan fi ghayri hadhihi al hal. Na'am. C'est pour ça que ruser contre quelqu'un qui n'a rien fait, c'est haram, la yajouz, c'est du naqs, c'est du dhulm. Qala wa li hadha lam yadhkurha Allah ta'ala min sifatihi ala sabil al itlaq wa inma dhakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha ka qawlihi ta'ala wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Donc vous avez bien qawluhu wa yamkurun, ça c'est fi'l a'da'illah, annahum yughuz contre dinillah. Ba'dhum yasayyid trouver des failles, ba'dhum yasayyid trouver des contradictions, ba'dhum yasmuk, ba'dhum yasayyid faire du mal à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala illa min ibadihi al-mu'minin makrun. Makr bil-layl wan-nahar. Wa yamkuru Allah, vu que Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'ils font. Ba'dhum yamkur, ils rusent et ils essaient de faire des choses pour combattre l'islam, ils sont enfermés dans certains endroits, personne ne les voit, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala il les voit. C'est pour ça que yamkur bihim. Maintenant, en tant qu'être humain, certains hiyanan ils font des ruses contre nous, mathalan. Ils essayent de te faire du mal, ils rusent, ils... Anta, tu sais pas. Tu peux même pas répondre, imadal, et anna, tu sais pas. T'es un être humain avec tes faiblesses. Amma Allah azza wa jal, qal wa yamkurun, wa yamkuru Allah. Ça montre le danger de, iyadan billah, de jouer. Ba'dahum, ils jouent. Ka'annahum Allah subhanahu wa ta'ala, ils les voient pas. Ka'annahum Allah subhanahu wa ta'ala, ils les entend pas. Wa yamkurun. Et ils font du mal. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, yamkur bihim. Layl wa nahar, et hum, ils savent pas. Qala wallahu khayrul makirin. Donc vous avez remarqué que, qawluhu wa yamkuru Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, athbata li nafsihi al-makr. Lakin fil muqabla. En opposition au makr des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Al-kayd, ça ressemble au makr. Et min hayth ad-dalala, c'est la même chose. Innahum yakiduna kayda. Ils ont du kayd, ils rusent, ils veulent faire du mal. Qala azza wa jal wa akidu kayda. Ils rusent, Allah subhanahu wa ta'ala, ils rusent contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a le dessus. وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. قوله إن كيدي متين أي في مقابلة من يكيد. Comme c'est détaillé dans le verset précédent. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع. الخداع. Tu peux traduire par tromper. Fa al-munafiqun yukhadi'un Allah. Sahih. Qu'est-ce qu'ils font? Iyadan billah. Ils font apparaître l'islam et au fond d'eux, ils ne croient pas. Al-haqqa, ils essaient de tromper. Ils arrivent à tromper certains croyants. C'est pour ça que, en tant que croyant, des fois, tu ne peux pas savoir un tel, c'est un munafiq comme là. Fi khida'. Ils mentent, ils rusent, ils trompent. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît leur situation. Fa lihada, qala azza wa jal. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يكروف كي يزافونس انهم يسون على الشيء في الحقيقه الله سبحانه وتعالى يفسكي مع هؤلاء. قال وقوله وقالوا أو قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الفد السموكي فالمنافقون يبخطندي أنهم quand ils retournaient عند إخوانهم الكفرة ils prétendaient أنهم ils se mélangent aux croyants les mandalés أنهم c'est pour se moquer فقط أما هم eux ils croyaient pas au fond d'eux الله عز وجل قال الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى il se moque d'eux في المقابلة de leur استهزاء الله سبحانه وتعالى il se moque d'eux donc vous avez bien compris أنه c'est في المقابلة أي les ennemis d'Allah ils font cette chose من مكر وكيد واستهزاء الله سبحانه وتعالى il refait cette chose sur eux في حقه عز وجل سن صفة كاملة لماذا لأنه il est capable de tout عز وجل قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك تأملوا سفيرس وإن يريدوا خيانتك أي أعداء الله عز وجل فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم في الخيانة في الخيانة الخيانة سي لا تريتريز واحد يخونك سي c'est un traître, c'est un lâche. Fafi al-khiyana, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme dans les exemples auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala ma athbata li nafsi hadhihi as-sifa, même fil muqabala. Limada? Inda man? Tfaddal. Ça, hada, na'am, tu peux rajouter quelque chose? Na'am, min kulli wajh. C'est une sifa naqisa min kulli wajh. Même fil muqabala, t'as pas le droit d'avoir عياذا بالله الصفة الخيانة فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنها فلهذا قال عز وجل on répète le verset وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله سبحانه وتعالى قال فأمكن منهم أي الله سبحانه وتعالى donne le dessus aux croyants sur هؤلاء الخائنون أما الخيانة c'est de l'imperfection مطلقا قال والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان صحيح تعريف طيب en langue arabe vous avez vu comme c'est plus simple لأن on peut se demander c'est quoi la différence entre الخيانة والخداع الخداع في المقابلة الله سبحانه وتعالى أثبته لنفسه قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أما Et Al-Khida' on l'a cité, on a juste cité Fil-Kaid. N'a'am, inna al-munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Amma al-khiyana la. Pourquoi qu'ala al-khiyana khid'a, c'est comme al-khid'a, lakin fi maqam al-i'timan. Quand quelqu'un te fait confiance, et il ne veut pas ton mal, et iyadam billah wahid, il le trompe, il veut du mal, il a agré, yakhounu. Ça c'est madmoum mutlaqan. أما الخداع ça peut être في المقابلة واحد يخدع واحد pour le repousser كذلك il emploie هذه الصفة الخداع ففي هذا الحال c'est pas du نقص حتى dans l'être humain si quelqu'un il ruse il veut ton mal il a créé ينتهى tu repousses بالتي هي أحسن فلا شك في هذا الحال on va pas dire que c'est du mal Et malade, il y en a, c'est lui qui cherche et ce mu'min, il repousse. Ahada, wallahu ta'ala, a'lam. On n'a pas fini, n'am. Qal, wa hiya sifat dham mutlaqan, wa bihada, urifa, anna qawla ba'di l'awam, khan Allah man yakhoun, munkar fahish, yajib annahi an. Sahih, ba'duhum yakoul, hada, dans certains bilad, dans certains pays, ba'di l'awam, ils emploient cette phrase khan Allah man yakhoun ay celui qui iyad billah qui est muttasif bil khiyana la traîtrise fa Allah subhanahu wa ta'ala كذلك yakhoun et ça c'est grave fali hada qala shaykh ibn taymin munkar fahish yajib an nahy anhu ça c'est grave on n'a pas le droit de dire khan Allah man yakhoun et celui qui a de la khiyana fa Allah sayakhoun on n'a pas le droit limada lana sun sifat naqs la من يخون فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه أو الله سبحانه وتعالى يفعل به ما يريد أما لفد دخان الله c'est très très grave الخلاصة أن الصفات على ثلاثة أقسام la, le résumé de cette sifa, de cette règle plutôt, anna les sifat d'Allah Azza wa Jal, elles sont de trois catégories. La première, indaman, hein? Sifatun, sifatun kamila, les attributs parfaits. Mitla ma'ala? Al-Qudra. Na'am, al-Qudra wal-ilm wal-hayat ila akhir. Thaniyan, huna? Sifatun naqisa. Sifatun naqisa. Des attributs imparfaits. Mitla ma'ala? Al-Maut wal-Jahl wal-Nisyan wal-Khouf ila akhir. Tout ça, c'est des imperfections. La peur, le mensonge, l'ignorance, la mort, tout ça, c'est des attributs imparfaits. Enfin, le premier qism, nuthbitu lillah azza wa jal, bien sûr, avec des adillah. Le deuxième qism, on ne l'attribue pas à Allah azza wa jal. Troisième qism, indaman, faddal. Na'am. Sifatun kamila min wajh, naqisa min wajh. Nuthbituha fi hal. المقابلة نعم مثلا صفة المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا ما يتعلق بهذا الدرس والحمد لله ريفيزي هذه القاعدة elle est simple et c'est la base si tu as compris هذا فإنشاء الله le reste ça va clarifier ce صفات كاملة إلى آخره.